C'est un resto que j'ai inventé en utilisant en m'imaginant le nom d'un resto branché du Vieux-Montréal, où tout se passe en anglais, là, qui avait un truc moderne. Je me disais, ah, ça me semble, ça aurait du bon sens. Eatery, ça fait un peu vieillot. Pimentine, ben Mont-Royal, là, donc ouais, non, je l'ai imaginé. Mais c'est vrai que c'est un peu calqué de certains restaurants branchouilles, là, on va dire, là, qui existent dans le Vieux-Montréal des fois, puis qu'on dirait qu'ils sont pas, qu'ils sont pas situés au Québec, là. Ouais, ça fait du sens ce que tu dis, parce que j'avais pas vu de même, mais à y repenser, ça fait un peu comme si la québécité devenait un folklore, en fait. Exact, exact. C'est un peu comme la couleur locale. T'sais, venez au Canada, puis oui, on a une région là où c'est pas mal original dans ce coin-là. Il y a encore du monde qui parle français, imaginez-vous donc. Puis ils mangent ci, ils mangent ça. C'est comme dans le fond, si tu vas aux États-Unis, puis tu vas à la Nouvelle-Orléans. Puis là, on va te servir du gumbo, puis mange de l'alligator. Puis ah, c'est dommage cool, ça, c'est dommage folklorique, c'est dommage original, ça me sort de l'ordinaire. T'sais. Mais c'est juste ça. Ce n'est que ça. Parce que tu commandes ta bouffe en anglais, puis tu es au Canada. T'es pas ailleurs, là. T'es au Canada. Mais c'est juste une petite touche locale intéressante, pittoresque, on va dire. Est-ce que tu penses que la folklorisation du Québec, ça va arriver? Non, je pense que c'est déjà en marche. Je pense que c'est déjà en marche. Je pense que c'est déjà très, très avancé. Du côté canadien-anglais, on a juste à lire certains textes sur le Québec. Je veux dire, c'est une vision, je dirais folklorique, c'est quasiment un compliment par rapport à ce qu'ils disent sur nous parfois, là. Des fois, c'est moins gentil que folklorique. Une espèce de vision comme quoi, que dès que tu quittes Montréal, tu sais, t'es comme dans la brousse, là, tu sais, je veux dire, c'est des paysans qui parlent un drôle de français d'un autre siècle, avec un accent à couper au couteau, sont un peu bizarres, sont très, je veux dire, je vais pas tomber dans la victimisation, là, mais des fois c'est un peu ça, là, c'est un petit peu ça qu'on projette du Québec, puis sous-entendu, ben tu sais, plus ils vont s'angliciser, plus ils vont se moderniser. Ouais, mais c'est ça, je voulais juste dire que t'es les matériaux artificiels qui sont comme un peu soustraits au cycle de la nature, du moins dans le moyen terme, au minimum, là. Je trouve ça intéressant. Ouais, ben, en fait, c'est intéressant, le plastique, pour moi, il y avait comme deux sens. C'est que je le voyais tout le temps, mais tu sais, des fois, comme t'as une image en tête, puis là, tu la revois tout le temps, genre, autour de toi. Je me suis mise à remarquer ces espèces de buttes de terre souvent qu'on voit l'été dans les sites de construction. Il y a toujours ces espèces de monticules, puis et au Cameroun, d'où mon père est originaire, et en Afrique du Sud aussi, il y a beaucoup des tombes qui sont faites justement, c'est des monticules de terre. Donc au lieu, ben, elles vont être écreusées, mais il y a aussi ces espèces de d'amont de terre qui sont créées, sur lesquelles on va déposer des fleurs et tout, donc... J'avais comme une obsession particulière avec ça. Puis, justement, sur les sites de construction et tout, souvent, ils sont remplis de ces espèces de bâches de plastique, tu sais. Cette espèce de plastique qu'on utilise beaucoup en jardinage pour protéger la nature, pour la sceller. Puis, il y avait comme toutes ces espèces de mauvaises herbes, cette vie qui reprend dans le milieu, tu sais, au milieu de tout ça. Ce que je trouvais qui était une image très, très forte, tu sais. Donc, j'ai beaucoup aussi travaillé au départ à partir de cette image-là. Finalement, j'ai commencé justement à faire le lien aussi avec l'esthétique de forensics, où on essaie de couvrir les arbres en hiver pour les protéger, puis nos plantes qui ne sont pas adaptées à notre climat rude, mais on essaie aussi de couvrir et de protéger les corps, par exemple, quand ils sont morts, cette façon dont on a de couvrir le corps ou de se couvrir nous aussi, là, comme j'avais l'image du photographe justement, qui était venu photographier la scène, puis il y avait cette espèce de... Ben, pendant la pandémie aussi, là, on a beaucoup cette image de hazmat suit, là, justement, tu sais, Donc, j'ai beaucoup travaillé avec cette espèce de désir d'empêcher la porosité, en fait, entre les corps organiques, là, tu sais. Puis en même temps, c'est ça, comme à l'opposé de justement la nature qui n'est que porosité, tu sais. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, cette espèce de tension temporelle, tension de matériel, tension de fonction, tension d'effet aussi, là, finalement. Oui, absolument. C'est, ben, ces matériaux qu'on développe, mais qui... Ouais, comme tu dis, qui est coupé du cycle, mais qui vient le... Donc, qui est un perturbateur, finalement, du cycle naturel.